temps pour quelque chose complètement différent, je pense. Je tiens à remercier Ivan Loskutov et le comité scientifique de ces colloques pour avoir proposé ce colloque et pour m'avoir invité à parler aujourd'hui. Je suis très heureux de parler du cabinet des médailles de Louis XIV à Versailles. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis près de 8 ans et pour lequel je continue de trouver de nouvelles informations et clarifications. Mon intervention cet après-midi est composée de 2 parties. D'abord, j'examinerai l'histoire du cabinet des médailles à Versailles, aussi appelé le cabinet des raretés ou parfois le cabinet des bijoux. Et j'espère que vous me permettez de revisiter une histoire bien connue par beaucoup d'entre vous, vous ici aujourd'hui pour servir d'arrière-plan de mon nouveau projet, faire une restitution numérique du cabinet disparu. Non seulement Louis XIV est le sujet le plus souvent représenté et copié de l'histoire des médailles anciennes ou modernes, mais il était également un grand collectionneur de médailles. Les nouvelles médailles frappées pour commémorer la reine de Louis XIV étaient fortement liées à la collection royale des médailles et des pierres gravées. Les médailles de Louis XIV étaient une extension du premier cabinet numismatique en France. Souvent, les médailles anciennes et les pierres gravées dans la collection du roi ont servi de source directe à l'iconographie de ces médailles. Selon moi, Louis XIV, en rassemblant une vaste collection numismatique, a cherché à créer une encyclopédie de l'histoire explicitement française qui aboutit à la célébration de son propre reine. Et ça, c'est l'argument que j'ai présenté dans mon livre « Antiquarianism and the Visual Histories of Louis XIV ». J'ai une copie ici parce que maintenant, c'est disponible en livre de poche. Voilà. Pour la deuxième partie de cet exposé, je vous donnerai un aperçu de mon projet que j'ai entrepris en collaboration avec un artiste digital, Dr. Andrew Yip, visant à restituer numériquement le cabinet des médailles de Louis XIV à Versailles, qui a été détruit au milieu du 18e siècle. Nous proposons de reconstruire cette ancienne salle en 3D grâce à l'apport de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, afin de faire profiter le grand public d'un sujet qui peut sembler aride ou ennuyeux pour eux, mais que nous savons être si fascinant. Voilà. Beaucoup d'informations, désolé. Pour commencer, retraçons l'origine du cabinet des médailles à Versailles. Cette diapo donne une chronologie des dates plus importantes pour la formation du cabinet des médailles. Je vais donner une histoire brève de la collection royale des monnaies et médailles suivant les excellents travaux d'Ernest Babylon à la fin du 19e, du début du 20e siècle et les recherches récentes menées par Thierry Saint-Mont et par Ernest Villapetit dans les actes de notre colloque sur les médailles de Louis XIV et le livre, le premier colloque. Le grand connaisseur François Ier a rassemblé durant son règne une collection impressionnante de monnaies, médailles et pierres gravées. Mais malheureusement, plusieurs des meilleurs objets ont été perdus dans la période d'agitation qui a suivi. On rapporte que Catherine de Médicis, épouse de Henri de Valois, a assemblé une collection de médailles pour l'éducation de ses enfants. Dans le livre, nécessité du lussage des médailles dans la monnaie, 1611, Pierre-Anton Rascasse de Barrary invoque l'argument de l'éducation du prince auprès de Henri IV afin d'argumenter la collection, d'augmenter la collection des médailles. On ne sait pas si Henri IV ou leur mère, Marie de Médicis, ont suivi son avis, mais le fils, Gaston Duc d'Orléans, oncle du roi Soleil, développa une véritable passion pour les médailles et les pierres gravées. Et c'est sa collection qui allait devenir le cœur de la collection de raretés de Louis XIV. En plus, il existe une toile célèbre qui montre Louis XIV recevant des leçons en histoire par les médailles par les plus accomplis médaillistes de ce temps, Jean Varin. Peut-être cela témoigne-t-il de la préférence du roi Soleil pour des médailles parmi tous les autres objets rassemblés pour la couronne sur son règne. Dans son Histoire et recherche d'antiquité de la ville de Paris, publié en 1665, Henri Sauval a fourni un compte-rendu des collectionneurs de médailles. Il écrit que, qu'en présentement, on ne doute point que Paris ne soit la plus riche ville du monde. Je puis dire encore qu'il n'y a point de ville au monde où il y ait plus de médailles. Bien davantage, l'Italie même, ni le monde tout entier, n'en ont pas plus. Sauval cite, entre d'autres, deux oncles de Louis XIV, Gaston duc d'Orléans et Gaston-Henri de Bourbon, duc de Verneuil, dont les collections étaient parmi les plus magnifiques de le temps et qui contiennent une si grande variété de médailles qu'il s'était impossible de mentionner tout. Quand Gaston décédé le 2 février 1660, il léguait sa collection au roi, son neveu. La collection n'était pas composée uniquement de médailles et de pierres gravées, mais aussi de petits bronzes antiques et de peintures sur vellin et des autres choses. Gaston léguait également à son neveu le garde de la collection, l'âgé abbé Benny Bruno. 18 mois après la mort de son oncle, le roi accepta officiellement cet héritage qui fut apporté au Louvre pour être intégré à la collection royale. Lorsque le baron fut amené pour la collection au Louvre en octobre 1665, elle était en mauvais état. Il fut incapable de voir les pièces de monnaie grecque car le tiroir du médaillé qui les contenait était trop déformé pour pouvoir être ouvert. Malheureusement, l'abbé Bruno ne reste pas longtemps responsable du maintien des médailles du roi, car il fut tragiquement tué à son poste en 1666, à l'âge de 75 ans. Le bibliothécaire royal, Pierre de Carqueville, qui remplaçait immédiatement l'infortuné abbé, convainquait Jean-Baptiste Colbert que la médaille devait être remise à la Bibliothèque royale au Rue Vivienne. Il écrit ainsi au surintendant du bâtiment que le cabinet n'est point tenu bien au lieu où il est, parce que les médailles ayant une connexion particulière avec les livres n'en doivent point être séparées. Et il y a bien des raisons que m'ont fait juger il y a longtemps cette union histoire nécessaire. En union avec les livres conservés à la Bibliothèque royale, le cabinet des médailles au roi était destiné à devenir une ressource pour l'érudition. La collection numismatique royale avait une utilité scientifique. En conservant les pièces de monnaie, les médailles et les pierres gravées, ainsi que les livres rares et les manuscrits, les antiquaires pourraient ainsi disposer de toutes les ressources dont ils auraient besoin pour étudier le passé. Plus pragmatiquement, la proximité de la bibliothèque permettait un inventaire plus précis de la collection numismatique. Après le déménagement de la collection Rue Vivienne, à proximité de l'hôtel de Colbert où la petite académie se rassemblait chaque semaine pour inventer les médailles de Louis XIV, entre autres choses, Carqueville a commencé à agrandir considérablement le cabinet des médailles, en particulier dans le domaine des pièces anciennes. En achetant certaines des plus illustres collections de Paris, celle-ci était la même collection citée par Henri Sauval dans son inventaire de numismates à Paris en 1655. Les médailles du comte de Brienne furent achetées en 1668 pour 8000 livres. Les médailles de Pierre Sagan l'année suivante pour 22 000 livres. et les médailles d'Alexandre de Sèvres pour 8 000 livres en 1673. Carcavie acheté pour le roi la pierre ravée d'Achille IIIe d'Arly en 1674 et ses médailles en 1676. Avec ses acquisitions, les principales collections que Sevel avait nommées pour affirmer que Paris possédait le plus riche fonds d'antiquités et pièces de monnaie du monde étaient absorbées dans le cabinet du roi. Désireux de faire une démonstration publique de richesse du cabinet des médailles du roi, Colbert commanda une série de gravures pour en documenter les meilleurs exemples. Les gravures Pierre de Giffard et Gilles de la Boisière ont réalisé de nombreuses estampes illustrant les pièces dans la collection entre 1672 et 1679. Ces estampes ont 16 cadres décoratifs par page, chacun apparemment identique, sauf les petites différences des détails pour chaque feuille. Louis XIV s'intéressa de plus en plus à sa collection dans les années 1680, lorsqu'il ordonna la conception d'une nouvelle pièce adjacente à ses appartements à Versailles pour l'accueillir. Le management de ce cabinet pour la collection des objets rares et précieux avait été commandé en 1682. Les médailles ne sont pas déménagées de la Bibliothèque royale de Paris au cabinet des médailles à Versailles avant 1684, après les 12 médaillés commandés par Alexandre Jean Appenor avec des marqueteries désignées par Jean Marin furent livrées. Louvois, le nouveau surintendant des bâtiments, charge le garde des médailles du roi, Pierre Vincent, et l'antiquaire du roi, Jean-François Vélan, d'en faire une nouvelle inventaire. La collection a été soigneusement organisée par taille, matériaux, époque et paille. La majeure partie de la collection de pièces de monnaie antique était d'origine romaine impériale, en or, argent et en trois tailles. Parmi les pièces modernes, les médailles françaises dominent, avec une armoire de 36 tiroirs dédiés aux pièces d'or et d'argent. La collection était vaste par rapport au nombre du XVIIe siècle. Elle était presque exhaustive et formait un vaste recueil matériel pour l'étude de l'histoire. Pendant la période de l'inventaire de la collection, de nombreuses nouvelles acquisitions ont été faites pour la compléter de la manière chronologique. Outre les échattes continues de Foivalent et de Ranson, le roi acceptait des collections célèbres en entier. Le roi achète des collections célèbres en entier. A commencer par celle de son oncle, feu Gaston-Henri, duc de Verneuil, en février 1684, qui lui coûte 14 000 livres. Dans sa description de Versailles de 1703, Jean-François Philippien Desavaux fait l'éloge de la taille de la collection qui se présente comme une encyclopédie d'histoire universelle. Il écrit: il y a en or, en argent et en bronze tout ce qu'on peut voir à présent de plus belles médailles grecques, romaines, égyptiennes, hébraïques, syriaques, puniques, galloises, gothiques, arabes et runiques, qui font des suites différentes des consulaires, d'impériales, des villes, de rois, de déités, de médaillons, de contornités, de padouanes et des autres. Il continue. Parmi une infinité de monnaies fabriquées par toutes les nations du monde, ils en trouvent une suite complète d'un roi à de la monarchie françoise depuis qu'elle a commencé à s'établir dans les Gaules. Il semble qu'au début du XVIIIe siècle, la collection de pièces de monnaie française permette de retracer l'histoire nationale de la France depuis l'ancienne Gaule. permettant à la couronne de retracer ses revendications jusqu'à l'Antiquité. Assembler la collection de monnaies et médailles pour le cabinet du roi n'était pas un exercice futile ou inutile. C'était une façon de former l'histoire par les objets matériels. De plus, le cabinet des médailles a été décrit comme un espace qui permettait aux antiquaires de mener les dernières recherches historiques. De faire les biens. C'est là que les savants, admirant la magnificence de Sa Majesté, a donné lieu de faire de nombreux progrès et de nouvelles découvertes dans les plus d'autres recherches, a écrit Félibien de Zavot. Cette salle n'a pas seulement démontré la magnificence du roi dans ses splendeurs matérielles, mais aussi sa place dans cette histoire matérielle du monde rassemblée par ses médailles. C'est non seulement une Wunderkammer à la manière de Rudolf II d'Habsbourg qui relevait l'ordre universel des hommes dans la nature au travers des matériaux collectés et emblis à travers le monde connu, mais également un lieu, ça c'est la collection de Louis XIV, qui permet à Louis XIV de revendiquer sa place dans l'histoire. Claude Dumoulinet, l'un des savants qui travaillait à l'inventaire du cabinet, rapportait que le roi s'intéressait vivement à cette tâche. Pendant qu'on arrangeait ses médailles dans le tablette, le roi prenait à venir presque tous les jours aux sorties de la messe jusqu'au dîner en ses cabinets pour les voir accommoder, témoigner et qu'il avoit d'autant plus de satisfaction qu'il y trouve toujours quelque chose à apprendre. Lui s'est réjouissait à de ses visites, où il pouvait prendre des leçons d'histoire des experts qui fissent l'inventaire de sa collection. Ses savoirs antiques étaient une partie importante de l'érudition du corps, et lui s'est fait un plaisir de faire de Versailles, un centre d'excellence dans ce domaine de la connaissance. Alors, les membres de la petite académie étaient prêts de terminer le livre des médailles en 1701. Louis XIV récompensa l'institution en lui accordant une nouvelle charte pour élever la société au même niveau que l'autre académie. Avec une nouvelle constitution, il y a un changement du nom. La petite académie devient l'Académie royale des inscriptions et médailles, en reconnaissance de son travail sur l'histoire métallique. La nouvelle constitution élargit considérablement l'entreprise. Elle comprenait désormais 80 membres, 40 académiciennes, 10 membres honoraires, 10 retraités, 10 associés et 10 étudiantes. Parmi les nouveaux membres cités dans la Constitution figuraient des personnalités des salons parisiens de l'Antiquité, comme le Père Lachaise, Louis-Marie Victor de Roche-Baron, le Duc d'Aumont, Jean-Foy Vallon et Marc-Antoine Audinet, garde des médailles du roi. Les nouvelles règles transforment cette institution en une véritable d'antiquaire, comme on le voit dans le 19e article de cette nouvelle constitution. L'Académie s'appliquera incessamment à faire des médailles sur les principaux événements de l'histoire de France, sur toutes les reines, jusqu'à l'origine de la monarchie, à composer les descriptions historiques des dits événements par rapport auxquels les médailles auront été faites. Elle travaillera encore sans délai à l'explication de toutes les médailles, médaillons, pierres et autres raretés antiques et modernes du cabinet de Sa Majesté. Ça, c'est les choses importantes. Comme aussi à la description de toutes les antiquités et monuments de France. En achevant la tâche de produire une histoire complète du règne de Louis XIV, la nouvelle Académie royale des inscriptions et des médailles se préparait à entreprendre une histoire complète de la monarchie de la France en médailles, peut-être pour compenser celles qui n'étaient représentées que par des pièces de monnaie dans la collection du roi. Suivant la pratique en usage pour la production des médailles de Louis XIV à cette période, il s'attelait à décrire chaque nouvelle médaille au moment de sa conception, afin de clarifier l'intention pour la postérité. De plus, le projet de catalogage de toutes les médailles, pierres gravées et autres raretés du cabinet du roi faisait partie de leur service. Les nouvelles médailles destinées à compléter l'encyclopédie de l'histoire contenue dans le cabinet des médailles du roi serait également harmonisé au travers un processus d'interprétation destiné à former une histoire téléologique d'un héritage vivant depuis le monde classique jusqu'à la France des Bourbons. Ainsi s'établissait avec fermeté la relation entre les nouvelles médailles créées pour le roi et les exemples de celles de tous les empereurs et roi depuis le début de l'Antiquité. Quand on considérait que tous les objets du cabinet du roi étaient réunis dans une même ensemble à l'esthétique commune, avec des tablettes ornées du chiffre du roi, reflétant les sembles tissés dans la finition du cabinet décoré, que je vais vous montrer bientôt, tout l'effet était une histoire sous le contrôle de Louis XIV. Affirmant son place dans l'histoire et plaçant l'étude de l'histoire dans son champ de compétences, le cabinet des médailles de Louis XIV doit être considéré comme un site d'auto-représentation historique. Voilà. Et maintenant, on arrive à la deuxième partie de mon exposé, la restitution numérique du cabinet des médailles à Versailles. Pour cette restitution, nous nous proposons d'intégrer le processus de réalité virtuelle, pouvoir examiner physiquement l'espace en temps réel est crucial pour comprendre l'architecture et la fonction de lieu. Les fonctions interactives déjà existantes incluent le mouvement spatial à l'échelle 1 à 1, utilisent l'utile HTC Vive, un casque de réalité avec les contrôleurs. Vous pouvez ramasser des objets, on se casse les médailles, et les inspecter avec vos mains. Les objets peuvent permettre d'accéder à des informations historiques via des récits audio ou un passage sonore en 3D. Mon partenaire dans ce projet, Andrew Yip, a utilisé ces outils récemment pour une exposition au Heidi Museum and Gallery en Australie, pour laquelle il a gagné le 2018 Prix national des musées et galeries d'Australie pour l'interprétation et l'engagement. Et voilà, ça c'est des images de ces projets. Pour son projet Sydney Nolan Unmasked, Virtual Reality, Andrew a créé une restitution de la bibliothèque dans laquelle une peinture célèbre de l'artiste australien Sidney Nolan était exposée pour la première fois. Avec le casque de réalité virtuelle, vous pouviez voir les couches de pigments sur la surface de la peinture qui avaient été découvertes par le restaurateur. En fait, ils ont découvert un visage sur le casque de la peinture. Ça, c'est la peinture maintenant. Et sur ça, vous avez le visage. Et avec le casque de réalité, c'est possible de voir les différentes parties de cette production. Ce type de reconstitution historique sont des récits de simulation en temps réel. Ils reposent sur des spéculations et des interprétations qui peuvent être aisément rectifié en cas d'erreur. Il s'agit d'un texte numérique vivant dans lequel la correction et la reconsidération sont essentielles. C'est-à-dire que le processus de création de visualisation visualisation, merci, est essentielle pour le développement de la recherche. Ce projet est tout neuf. Mon collègue Antoine et moi ont tout juste commencé à réaliser les premiers modèles et les premières vues de la salle restituée. Je vous montre ici le premier squelette fait par mon collègue suivant les sources que j'ai rassemblées. D'abord, quelques notes sur nos sources et notre méthodologie. Nous avons beaucoup d'informations sur les objets qui ont été exposés dans cette salle, comme les inventaires, les descriptions et les objets eux-mêmes, mais notre connaissance des détails du cabinet et de son architecture et de ses décorations est beaucoup plus faible. Les archives nationales conservent deux designs de l'ancienne salle avec les mesures en pierre et puce. Ça, c'est dire l'ancienne mesure de Pierre du Roi. J'ai créé une feuille de calcul pour convertir les anciennes mesures en millimètres. Ici, on peut voir, malheureusement en anglais, toutes les mesures que j'ai transcrites. Je trouve sur le site Vespera une autre plan qui montre l'échelle de la coupole ovale en relation du plan du sol et je l'ai utilisé de faire une approximation de la largeur et de la profondeur de la coupole. La description faite par l'architecte suédoise Nicodème Tessin en 1686 est l'une des plus importantes sources pour le cabinet des médailles. Dans sa lettre, Tessin nous donne une description assez détaillée de la salle et de son contenu. En plus, il a laissé la seule élévation connue de la salle. C'est juste là, c'est très très petit. Voilà. Pardon, j'ai oublié mon phrase. Ah, voilà. Il a laissé la seule élévation connue de la salle ainsi qu'un autre plan qui montre les petites étagères en forme de coquilles Saint-Jacques dans les quatre niches du cabinet. Ça, c'est le plan avec ici, cette étagère en forme de coquille Saint-Jacques. Dans son élévation, Tessin montre beaucoup d'éléments du cabinet. Les pilastres en miroir avec l'étagère, qui s'apportent les vases en agate, les peintures encadrées dans le lambris, la forme de la voûte, les pendentifs qui portent les coupoles, etc. Comme il dit dans sa lettre, ce petit design fonctionne comme un aide-mémoire pour éclairer sa description. Outre la description laissée par Tessin, on a d'autres sources importantes pour connaître les détails de cette salle. La première description a été écrite par Pierre Michon au temps où les médailles étaient à la Bibliothèque royale. Il est décrit les vaisseaux en agate et les pierres précieuses du roi, dites les gemmes du couronne, et aujourd'hui exposées au Louvre dans la galerie d'Apollon. Et aussi, il nous a laissé des informations sur les premiers meubles. Lorsque les ambassadeurs du roi de Siam vinrent à Versailles en 1686, le Mercure Galant publiait une brève description de la visite du cabinet des médailles. Mais la plus importante description du cabinet des médailles a été publiée par Jean-François Philippien des Avaux et nous donne beaucoup de détails sur la décoration de la salle. Voilà. Armés de ces sources, Andrew et moi avons fait nos premiers modèles de cette salle en 3D. J'admets qu'il y a beaucoup d'erreurs à ce stade. Il s'agit en effet d'une procédure compliquée. Mais ici, on peut voir pour la première fois depuis le milieu du XVIIIe siècle la ligne serpentine créée par le médaillé dans le lambris. Ça, c'est une chose très intéressante pour moi. Cette ligne serpentine créée par les médaillés. Ça c'est la raison, où les médaillés dans les quatre coins de la salle étaient concaves, ceux de chaque côté de la fenêtre et de la porte étaient convexes. Et cela a été confirmé par un autre plan que j'ai trouvé dans Vespera qui montre l'emplacement des médaillés et le façade dans l'ancienne salle à Versailles. Cette vue de l'angle de la salle montre les niches avec les cinq façades, avec les médaillés en dessus et quatre étagères au-dessus qui supportent les petites sculptures antiques et modernes en bronze, en bronze, en argent et en or. On voit aussi les étagères sur les pilastres en miroir. Et on note la frise comme une grande tablette avec plusieurs des vaisseaux en cristal de roche. Mais ce n'est pas le vrai objet, c'est juste les petites choses pour mettre ces choses en place. Il y a juste une indication de la phase suivante de notre projet ici, avec le reflet du miroir simulé en arrière-plan des étagères dans le lambris. Vous avez ici juste une simulation des miroirs. Et je pense que ça, c'est une des choses plus importantes pour cette restitution, de faire, ça c'est une cabinet plein de miroirs. Et les effets des miroirs, c'est ça, une chose très intéressante, mais maintenant perdue. Notre prochaine étape, après avoir terminé le modèle de la salle avec le pendentif et la coupole, etc., sera à recréer les détails de surface et de matériaux donnés dans la description que j'ai notée, mais aussi dans le compte des bâtiments du roi recueilli et publié par Jules Giffroy à la fin du 19e siècle. Malheureusement, il y a plusieurs détails du cabinet des médailles de Versailles que la description a omis. Cela a conduit à des désaccords entre les chercheurs qui ont publié sur ces sujets, moi inclus. Par exemple, dans sa description, Tessine écrit que la coupole est fort rehaussée et ornée avec des encavatures de roses à l'imitation de celles du temple du soleil et de la lune. On n'est pas certain si ce dessin était réalisé en vrai relief du stuc ou s'il était peint en trompe-l'œil. Peut-être la décoration de la coupole était proche de l'encadrement des ovales de la salle d'huile de bœuf de Versailles, mais l'une des apports plus intéressantes des restitutions numériques est la possibilité de produire différentes options pour pouvoir comparer plusieurs hypothèses. Pour les autres détails, comme les peintures sur le pendentif, on peut avoir une bonne idée de comment il apparaît par comparaison avec les autres décorations de Versailles de la même époque. Par exemple, les personnifications peintes en trompe-l'œil dans le salon de Mercure semblent très proches de la description donnée par Félibien des Avaux de celles qui se trouvent dans le cabinet des médailles. Dans ce cas, nous pourrions mettre une copie de ces peintures dans notre modèle, mais peut-être les rendre floues pour indiquer que nous n'avons pas une idée exacte de ce à quoi elles ressemblaient. Nous pourrions aborder le design des cornices et l'entablement de la même façon. On peut utiliser les exemples de la même époque à Versailles créés par la même équipe, comme c'est le cas pour le tablement du Salon de l'Abondance. Les conceptions existantes de la petite galerie dans le petit appartement du roi à Versailles nous donnent une bonne idée de la façon dont les pilastres et les étagères à miroir qui la surmontaient et portaient les petits statues et les vaisseaux en agate ont pu apparaître. On peut simuler le petit détail dans quatre montes et du montage dans les miroirs, sur les pilastres et dans le reste de la pièce, en empruntant des exemples existants à Versailles. On peut voir dans tout le palais les moulures en métal doré qui servent maintenir le panneau de miroir, par exemple. De même, en design coloré... Oh, pardon. Oui, non, design coloré. Désolé. Oh. C'est perdu. C'est là. Pardon. Du même, le design coloré pour le sol en marqueterie de petites galeries conçues par la même équipe qui a créé le précieux parquet en marqueterie pour le cabinet des médailles peut servir de modèle pour les sols de notre restitution numérique. Un autre projet de la petite galerie de Versailles comprend de nombreux éléments que nous retrouvons dans les descriptions du cabinet des médailles que nous ont laissé Tessine et Philippe Dazavo. Il donne une excellente idée de la composition d'une lambrie comprenant des pilastres en miroir avec les étagères pour les vaisseaux en agate et des espèces pour les peintures pourraient avoir rassemblé. Et voilà, ça c'est le design de la petite galerie, mais vous avez exactement le même type de composition. Cela nous amène à un autre élément important du projet, le repeuplement de la salle avec des modèles des objets réels qui s'y sont trouvés. Cette liste de peintures publiée par Stéphane Castelluccio peut être comparée aux peintures que Tessine et Feuleberg Desavo ont noté être dans le cabinet. L'historiographie récente a remis en cause bon nombre d'attributions données de maîtres anciens dans cette liste, mais nous sommes à peu près sûrs que le bel jardinier de Raphaël, un peintre très célèbre, était autrefois installé dans la partie supérieure de l'imbrie, peut-être sur le côté gauche de la fenêtre. Je n'ai pas ici le temps de parler de la grande variété des objets qui étaient exposés dans cette salle, mais je terminerai ma présentation aujourd'hui en discutant de l'un des objectifs principaux de ce projet numérique, recréer le médaillé de Louis XIV de Versailles dans l'ordre qu'il se trouve dans l'ancien régime. Jusqu'à récemment, on pensait que le meuble du cabinet des médailles de Louis XIV avait été perdu. Cependant, en 1999, l'un des médaillés faits pour le coin de la pièce a été mis en vente chez Sotheby's à Monaco. Ce médaillé a été vendu par un collectionneur privé. Heureusement, un deuxième médaillé du même design est apparu lors d'une vente aux enchères régionales à Cannes en 2015. À cette fois, il a été acheté par le musée du château de Versailles. Ce médaillé est plus complet que l'exemple vendu à Monte Carlo. La base n'est pas originale, mais elle conserve la marqueterie de ses façades, des tiroirs, ainsi que le cadre. Ces meubles extraordinaires réalisés par Alexandre Jean Opinor avec les détails de marqueterie désignés par Jean Barin offrent un aperçu de ce qui s'est trouvé autrefois au cabinet des médailles de Versailles. De plus, il constituera la base de l'une des parties les plus ambitieuses de notre projet numérique. Le médaillé de la collection de Versailles conserve également les tablettes en marocain rouge adossées à du velo bleu, spécialement commandées pour le cabinet. Parallèlement à l'inventaire de la collection des médailles de Louis XIV au milieu des années 1680, pour lesquelles le roi était souvent présent, des feuilles illustrées avec la description des pièces de chaque tirage ont été commandées à André Morel, bien que ce projet n'ait pas été achevé, malheureusement. Nous espérons recréer les médaillés dans leur intégralité et remplir des médaillés qu'ils contenaient autrefois et, si possible, des feuilles illustrées de modèles, en comme les modèles. Voilà. Le dernier diapo. Mon collègue Andrew a commencé à faire le premier modèle des tiroirs et des tablettes du médaillé, qui sera amélioré au fil du temps pour correspondre exactement, presque, au design des tablettes et de la marqueterie de l'original. Avec l'utilisation du tile 3D totalement immersif, nous imaginerons que les visiteurs pourront ouvrir le tiroir du médaillé pour ramasser les pièces s'y trouver et voir les deux faces. Conclusion. Notre objectif pour ce projet est très ambitieux, comme vous pouvez le voir, et ce que nous avons produit jusqu'à le présent n'est qu'un début. Nous espérons pouvoir collaborer avec des collections et des institutions ici en France, notamment le Château de Versailles, j'espère, le Louvre et les Archives nationales et la Bibliothèque nationale de France, pour recréer une salle qui, selon nous, joue un rôle central dans l'histoire du collectionnisme. De plus, cette reconstitution vise à remettre les médailles dans le contexte au centre de l'exposition et de la commande des arts de Louis XIV. Le cabinet de Louis XIV à Versailles n'était pas un phénomène unique. Il suit la tradition européenne répandue à la Wunderkammer ou Kunstkammer, le cabinet de curiosité. Une espèce où les érudits et les élites au début de la modernité conservaient les objets précieux d'intérêt artistique et scientifique. Les Wunderkammer contenaient une grande variété de choses, des médailles modernes, des pierres gravées, des vases et vaisseaux en pierres semi-précieuses, des statuettes en bronze et des petites peintures, des collections de naturaliels, des plantes et d'animaux conservés et illustrés dans les livres, des roches et des minéraux, des métaux, des pierres précieuses, ainsi que des machines et des automates merveilleux. C'était un moyen de former une représentation de la totalité du monde connu dans le microcosme à travers des objets naturels et fabriqués. Les pièces de monnaie antiques et la pierre gravée ont souvent figuré dans les Wunderkammer, mais elles n'étaient pas ses principaux trésors. Le cabinet de Louis XIV à Versailles était différent, car il n'était pas une large encyclopédie matérielle de merveilles naturelles et merveilles modernes. Il était consacré à une vaste collection numismatique qui présentait en microcosme l'ordre universel de l'histoire ancienne et moderne de la civilisation, culminant avec la reine de Louis XIV. La restitution numérique de cette salle apporterait ainsi un éclairage précieux à la fois sur l'histoire des collections, mais aussi sur l'historiographie de la France. Je vous remercie pour votre attention.